السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه المجالس، فهي خير مجالس الدنيا. وقد قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète, sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je loue Allah tabaraka wa ta'ala à nouveau, celui qui nous a facilité et comblé de par ses assises, qui ont été décrites, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant: celui, ou plutôt lorsque vous passez près dans des jardins du paradis, prenez-y place. Donc ces assises sont les meilleures assises dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne même que le fait de se déplacer afin d'y prendre place est une cause pour entrer au paradis. Il nous dit alayhi salatu wa sallam, selon la traduction: celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et comment est-ce que on pourrait avoir de la paresse quant à la recherche de ces assises, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que parmi les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala, certains recherchent ces assises. Parmi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains ont pour mission de parcourir la terre à la recherche de ces assises. Et lorsqu'ils trouvent ces assises, ils y prennent place, au point de remplir l'espace qu'il y a entre ce bas monde et le premier ciel. Puis à la fin de cette assise, ils se dispersent et Allah tabaraka wa ta'ala les questionne en leur demandant: wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala, d'où revenez-vous? Les anges répondent: de tes serviteurs. Il te loue, il te glorifie, il proclame ta grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande: et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils me demandent? Les anges répondent: yas'alunaka jannatak. Ils te demandent ton paradis. Wa hal ra'uha? Allah azza wa jalla leur demande: wa huwa a'lam. Et il est plus savant. Mais est-ce qu'ils l'ont déjà vu? Et les anges répondent: non. Puis Allah subhanahu wa ta'ala de leur dire: comment est-ce qu'ils auraient été s'ils l'avaient déjà vu? Les anges répondent: sans aucun doute, ils auraient été plus ardents dans sa demande. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur demande: et contre quoi est-ce qu'ils recherchent protection? Les anges répondent: contre ton feu, contre le feu de l'enfer. Et est-ce qu'ils l'ont déjà vu? Les anges répondent: non. Comment est-ce qu'ils se seraient comportés s'ils avaient déjà vu le feu de l'enfer? Sans aucun doute, ils auraient eu encore plus peur d'Allah et se seraient éloignés. Ils auraient fait encore plus de causes pour fuir l'enfer qu'Allah a créé. À la fin de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux anges pour nous annoncer et vous annoncer cette bonne nouvelle, cette grande nouvelle qui est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il comporte. يقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم وأعطيت كل واحد منهم مسألته. Puis, à la fin de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, je vous prends tous à témoin. Je vous prends tous à témoin, en tant que témoin, que j'ai pardonné à toutes ces personnes. Tous ceux qui ont assisté à cette assise. Je vous prends à témoin que j'ai pardonné à l'ensemble de ces personnes. J'ai accordé à chacun ce qu'il demandait. Et j'ai préservé chacun contre ce qu'il redoutait. C'est-à-dire qu'on accorde à ces gens-là le paradis. On les préserve du feu de l'enfer. Et on leur pardonne leurs péchés. Puis un ange parmi ces anges dit, Ey Rabb, ô mon Seigneur, inna ma'ahum fulan, laysa minhum. Mais il y a parmi eux un tel, il ne fait pas partie d'eux. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu à la base pour cette assise à la recherche de la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit, même lui, je lui ai pardonné. Humul qawm, la yashqa bihim jalisuhum. Voici le groupe, jamais ne sera perdant celui qui les fréquente. Ces assises de science sont un bien, sont un grand bienfait d'Allah azza wa jal sur nos personnes. فأسأل الله عز وجل أكرم الأكرمين أن يثيب المسؤولين والقائمين على هذه الدورة. Donc, je demande à Allah عز وجل de récompenser avec largesse les responsables de cette mosquée et tous ceux qui se sont entraînés pour que ce séminaire ait lieu. أما حديثنا كما قد أعلن عنه والحديث الثاني من الأربعين النووية على المؤلف رحمة الله سبحانه وتعالى. Quant à notre sujet, comme cela a été cité, c'est l'étude du deuxième hadith du recueil de l'imam النووي, les 40 hadiths. يقول الإمام النووي يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى عن عمر أيضا رضي الله عنه. L'auteur nous dit, selon Omar, ou bien également selon Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit également, car le premier hadith, إنما الأعمال بالنيات, a été rapporté par Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Omar ibn al-Khattab, comme vous le savez tous, c'est le deuxième calife de l'islam. C'est le proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a donné en mariage sa fille Hafsa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des hommes après Abu Bakr et l'ensemble des prophètes et messagers. C'est Abu Hafs. Il a pour kunya Abu Hafs comme surnom Al-Farouq, celui par lequel Allah azza wa jal a marqué le discernement entre l'islam vécu en cachette et l'islam vécu au grand jour, ou bien entre la vérité et le faux. Il a de nombreux mérites et qualités qui sont cités dans les livres de hadith et d'histoire. يقول رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Il nous dit رضي الله عنه, un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha fadilatu as-sahabati al-kiram radiyallahu anhum ajma'in, haythu anna min 'adatihim al-julus ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-istifadati minhu wa lil-istirshad wa ta'allum al-'ilm an-nafi' wa al-iqtida' bihi. Et dans cela, il y a le mérite des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que faisait partie de leurs habitudes de rester très souvent en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de venir peupler ses assises afin d'apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, afin de le questionner sur ce qui leur posait problème dans les affaires de leur religion ou dans les affaires de leur bas monde. Ils lui demandaient conseil et suivaient ses paroles. Ils apprenaient de lui leur religion. Il طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد. Puis Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit: c'est alors que soudainement apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur, aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible sur lui de voyage, bien que personne parmi nous ne le connaissait. Voici ici la description d'un homme jeune, de par ses cheveux noirs, élégant, bien habillé, propre, de par son vêtement très blanc. Et de cela, les savants ont tiré كيفيه مجيء طالب العلم عند او الى مجالس الذكر وحلق العلم. Et de cela les savants ont tiré la manière que nous devons adopter lorsque nous nous rendons dans les assises de science, le comportement, la tenue, la démarche que nous devons adopter lorsque nous nous rendons dans les assises de science. On nous dit ici qu'il avait les vêtements très blancs. Et de cela, les savants ont tiré le fait de s'embellir pour venir dans les assises. Car dans ces assises, tu entends « قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » Ce sont les meilleures assises, ce sont les assises où des anges viennent et les recherchent. Ce sont donc les meilleures des assises. Il convient donc de s'apprêter pour s'y rendre, en enfilant tes plus beaux vêtements, en te parfumant. Naam. Et on nous cite ensuite les cheveux d'une noirceur intense. Les savants tiraient de ça, de cela qu'il était donc jeune. Et voici un des comportements qu'il convient d'adopter particulièrement pour les éducateurs, pour les parents, yarhamukallah, pour les parents, pour les grands frères, pour les grandes sœurs, et ainsi de suite. C'est le fait d'orienter le jeune vers la science depuis son plus jeune âge. Depuis son plus jeune âge. Plus tôt l'enfant commence, plus il pourra mémoriser. Car il est loin de tout souci, de toute occupation. Il n'a pas à travailler. Il n'a pas de responsabilité. Il est déchargé de tout souci. Donc, c'est le moment le plus propice pour la mémorisation, pour l'étude de la science, pour l'apprentissage de l'arabe, du Coran, et particulièrement pour mémoriser. Et parmi ceux qui étaient le plus connus pour cela, parmi les compagnons Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, et parmi les femmes Aisha radiallahu anha, parmi les hommes également Anas ibn Malik, et bon nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers ont commencé l'étude de la science très jeune. Anas ibn Malik, de par la baraka de sa noble mère Umm Sulaym radiallahu anha, elle l'a pris et l'a emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait 10 ans. Elle lui a dit: Ya Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, huwaydimuka Anas. Elle lui a dit: voici celui qui te servira désormais de servant, Anas. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit qu'il est resté 10 années aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à le servir. Il ne lui a jamais dit d'une chose qu'il a faite, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Ou d'une chose qu'il a délaissée, pourquoi n'as-tu pas fait cela? Pendant 10 ans, il est resté auprès de lui. Durant ces 10 années, il a puisé de lui la science. Il l'a observé. Il a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fut parti, il est devenu un des savants parmi les pieux prédécesseurs. Abdullah ibn Abbas, pareillement, depuis son plus jeune âge, il cherchait la science. Il avait avec lui un ami. Son ami s'est découragé en lui disant: il y a parmi eux Abu Bakr, Omar, et il est grand parmi les compagnons. Penses-tu qu'ils auront besoin de toi? Abdullah ibn Abbas ne s'est pas découragé pour autant. Il a continué à étudier, à puiser la science des compagnons, au point d'aller au point de suivre les compagnons après les prières et de les questionner sur le hadith. Informez-moi de ce que vous avez entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le compagnon ne se retourne pas. Il n'ose pas le déranger. Alors il attend devant sa porte, du dhuhr jusqu'au asr. Puis le compagnon sort, il trouve Abdullah ibn Abbas devant sa porte. Il lui dit, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ma porte, que veux-tu? Il lui a dit, je suis venu te questionner sur le hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-le-moi. Il lui a dit, mais si j'avais su, je me serais déplacé vers toi. Abdullah ibn Abbas lui a dit, non. Celui qui veut la science se déplace vers elle, et ça n'est pas à la science de venir vers nous. وهذا من آداب طالب العلم. Et ceci fait encore partie des comportements de celui qui recherche la science. Il doit se déplacer. Il doit se déplacer à la recherche de cette science. Et ici, on voit le comportement que nous devons avoir, le fait de mettre nos beaux vêtements, le fait d'essayer de porter du blanc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait du blanc et d'autres couleurs. Mais ce qui est voulu ici, le fait de s'embellir. Et parmi ceux qui étaient le plus minutieux dans ce domaine-là, le grand imam de Médine, l'imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, ce dernier, lorsqu'il voulait transmettre le hadith, il mettait ses plus beaux vêtements. Et ceci depuis son plus jeune âge, lorsqu'il allait rechercher la science. Sa noble mère, rahimahullah, car c'est elle qui l'a éduqué, comme beaucoup de grands parmi les imams de l'islam, ils étaient orphelins. Ils étaient orphelins et c'est leur mère qui les ont éduqués. Na'am. Comme beaucoup, comme l'imam Ahmed, comme l'imam Malik, et le maître de ces derniers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était orphelin de père. Zemain, sa mère l'embellissait, c'est-à-dire l'imam Malik, avec les beaux vêtements. Et elle l'envoyait dans l'assise des savants. La mère de l'imam, Sofiane al-Thawri, pareillement, elle lui mettait de beaux vêtements. Elle lui disait, « Oh mon fils, recherche la science, et moi je te suffirai dans ta subsistance en travaillant, en faisant de la couture. Toi tu vas prendre la science, et moi je vais nous rapporter de l'argent en faisant de la couture. » Subhanallah. C'était les mères de nos pieux prédécesseurs, de ceux qui sont venus des savants de l'islam. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, était aveugle. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, était aveugle. Et sa mère a tellement eu pitié de lui qu'elle se levait, elle faisait dua pour lui. Elle demandait à Allah tabaraka wa ta'ala de lui rendre la vue. Une nuit dans son rêve, elle a vu un homme qui est venu lui dire qu'Allah par tes pleurs et la pitié que tu as eue pour ton enfant a rendu la vue à ton fils. Elle s'est réveillée, elle a trouvé que son fils a eu la vue à nouveau. Et c'est celui qui a écrit le meilleur livre après le Coran, Al-Sahih al-Jami', qui est connu sous le nom de Sahih al-Bukhari. Ces hommes-là ont commencé l'étude de la science très tôt. Ils ont commencé l'étude de la science très tôt, comme l'auteur de ce livre, l'imam al-Nawawi, depuis sa tendre enfance. Comme des savants même parmi les contemporains, comme Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala, celui qui a écrit Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha et d'autres livres, il a mémorisé le Coran avant la puberté vers l'âge de 10 ans. À 12 ans, son père l'a marié et c'était l'imam de la mosquée. C'était l'imam de la mosquée, rahimahullahu ta'ala. L'imam Ahmed, ou l'imam Yahya ibn Amadha, Ahmed al-Najmi, rahimahullahu ta'ala. Le shir de Sheikh Rabi' et d'autres. Cet homme, lorsque ses parents l'ont eu, ils ont dit, on va le donner. Cet enfant-là, il est pour secourir l'islam. Cet enfant-là ne sera pas pour nous ni pour jouer. Il est pour l'islam. Cet enfant, c'est pour Allah, c'est pour khidmatu dinillah. Il dit, rahimahullahu ta'ala, je n'avais pas d'amis comme les autres. Et je ne jouais pas comme les enfants de mon âge. Et c'est devenu qui? C'est devenu le mufti du sud de l'Arabie Saoudite, qui a été nommé ainsi par le grand savant Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Et les exemples sont très nombreux. Les exemples sont très nombreux de ceux qui ont commencé l'étude de la science très tôt et qui sont devenus des grandes personnalités parmi les savants de l'islam. Donc celui qui a des enfants, il doit les préserver. Et la meilleure chose par laquelle tu pourras les préserver après invoquer Allah Azza wa Jalla en leur faveur, c'est leur faire apprendre la science utile et les éduquer dans la piété. Puis, Le prophète, puis Omar radiallahu anhu nous dit: La yura ali atharu safar wa la ya'rifu minna ahad. Hada amrun ajib. Voici une chose ici étonnante. Il nous dit, radiallahu anhu, sans trace visible de lui de voyage, mais personne d'entre nous ne le connaissait. Lorsqu'il dit, il n'avait aucune trace de voyageur sur lui. Il avait des vêtements très blancs, les cheveux très noirs, donc propres. C'est comme s'il sortait de chez lui à l'instant. Mais il dit par la suite, personne d'entre nous le connaissait. Donc c'est un voyageur. Donc voici ici une situation très étonnante. Et on comprend à la fin du hadith qu'en réalité c'était un ange, c'était Jibril alayhi salam. Puis il nous dit, radiallahu anhu, hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole et les mots utilisés en arabe sont bien plus percutants et subtils que cela. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a avancé jusqu'à avoir pris place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement proche qu'il nous dit fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, au point d'avoir collé ses genoux contre les siens. C'est-à-dire les genoux de cet homme, qui est l'ange Jibril alayhi salam, contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Et il a posé ses mains sur ses cuisses. Est-ce qu'il a posé ses mains sur ses propres cuisses? Ou est-ce qu'il a posé les mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ikhtalafa ahlul ilm fi dhalik. Wa rajaha بعض أهل العلم كالبغوي وغيره رحمه الله بأنه وضعهما على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت رواية مصرحة بذلك. Et l'imam al-Baghawi et d'autres ont dit il a mis ses mains sur les cuisses du prophète صلى الله عليه وسلم. Et ils ont pour preuve et pour appuyer cela une des versions du hadith qui dit cela de manière explicite. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis ses mains, plutôt que cet homme, qui est l'ange Jibril alayhi sallam, a mis ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si nous retenons cette version, de cela les savants ont tiré que l'enseignant et que le savant doit patienter sur certains comportements de ses élèves. Car dans cela, il ne convenait pas peut-être de faire cela. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté. Donc si tu enseignes, si tu éduques et que tu vois de la part de certains de tes élèves certains comportements, tu te dois de te montrer endurant, de les éduquer avec sagesse en leur disant ce qui les réformera. Ça peut être parler gentiment, ça peut être le fait d'être sévère, et tout cela englobe la sagesse. Wa li kulli maqamin maqal. Et dans chaque situation, tu devras faire ce qu'il convient de faire. D'autres parmi les savants ont dit, il a posé ses mains sur ses propres cuisses. Et dans cela, il y a al-sakina wal-waqar wa ta'addub bi maqami ahli al-ilm. Et si nous disons qu'il a posé ses mains sur ses propres cuisses, alors les savants ont dit, il y a dans cela l'excellence du comportement de celui qui recherche la science. Nous avons déjà cité le fait de bien s'habiller, le fait de Mada d'avoir une belle apparence, de porter de beaux vêtements. Ici, les savants ont cité la proximité de l'élève, de l'enseignant. Il doit s'approcher autant que possible. Et de cela, tu comprends l'erreur commise par beaucoup de personnes. Ils viennent dans une assise de science et ils se mettent à l'écart. Lorsque tu lui demandes, il prétend la sincérité. Ou l'autre, tu le questionnes sur cela, il dit j'ai honte. Non, tu dois aller et aller te mettre proche de celui qui dispense ce cours. Et trois personnes sont entrées dans la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dispensait un cours. L'un s'est mis dans le cercle de science, le deuxième un peu en retrait, le troisième s'en est allé. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, ne vais-je pas vous informer de ces trois personnes? Ils ont dit certes au messager d'Allah. Il a dit, quant au premier, il est venu vers Allah, Allah est venu vers lui. Quant au deuxième, il a eu de la pudeur envers Allah, Allah en a eu envers lui. Quant au troisième, il s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Donc voici le comportement qu'il nous faut avoir dans une assise. Et pareillement, si c'est dans une classe, si c'est dans une classe, tu ne remplis pas les chaises du fond avant celles qui sont proches de ton enseignant. Naam, ceci fait partie du bon comportement de l'étudiant. Aussi, le fait de faire face à celui qui dispense le cours, ceci fait partie des bons comportements de l'étudiant, même si l'enseignant n'est pas en direction de la Qibla. Même si l'enseignant n'est pas en direction de la Qibla. Et c'est également un comportement à avoir, particulièrement lors du prêche du vendredi. Le fait de se mettre en direction de celui qui prononce le prêche, même si, pour cela, nous allons dévier de la Qibla. Wa qala ya Muhammad. Puis il a dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا النداء لا يعني لم يشتهر عند الصحابة نعم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يلازمه بل هذا اشتهر أو اشتهر عند من عند الأعراب. Le fait d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom n'était pas une chose répandue chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le fréquentaient. C'est plutôt une chose connue des bédouins, de ceux qui vivaient un peu retirés des villes. Ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Quant aux compagnons et ceux qui venaient chercher la science, ils l'appelaient par son rang. Ils l'appelaient Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ce genre d'appellation. De cela, les savants ont dit Arada yush'ira bi nafsi annahu arabi liyufriha bidhalika as-sahaba. Certains parmi les savants ont dit que Jibril a voulu se faire passer pour un bédouin. Mais quelle est la sagesse de faire cela? Pourquoi se faire passer pour un bédouin? Qu'est-ce qui répond à cette question? أجبت بلغة العربية ولعل الكثير لا يفهمها ولعل الكثير يعني بين وبين في السنة أو النوم comme mon grand frère m'a dit أخونا سيداتي m'a dit tu as posé la question et tu as répondu. نعم j'ai répondu avec rapidité en arabe et probablement que certains somnolent ou dorment. نعم. Donc je me permets de réitérer ma question. Pourquoi est-ce que Jibril alayhi salam aurait voulu se faire passer pour un bédouin? Qu'est-ce qui répond à cette question? Pour montrer qu'il est venu de loin pour la science. Pour montrer qu'il est venu de loin pour la science. Qu'est-ce qui est notre réponse? Pour donner l'importance au sahaba. Pour donner l'importance au sahaba. Même si on est un bédouin, il faut bien s'habiller. Pour montrer qu'il n'a pas de science. Le sahaba était content lorsqu'ils l'ont vu. Pourquoi? Là, il a la question. Celui qui lève sa main pour poser la question, s'il répond en même temps qu'il lève la main, il n'y a pas de sagesse à lever la main. Pour ne pas être reconnu. Pour exprimer la sagesse. Quelle sagesse? Là est ma question. Car les bédouins, ils posaient des questions. Car les bédouins posaient des questions. Jazakallah khair. Les sahaba avaient honte. Ils respectaient tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains parmi eux ont dit je ne serais même pas capable aujourd'hui de décrire son visage. Subhanallah. Tellement qu'ils le respectaient. Tellement qu'ils lui accordaient une grande place, ils n'osaient pas le fixer. Ils n'osaient pas le fixer. Naam. Et certains parmi eux n'osaient pas le questionner. Et les bédouins, ces habitants du village, ils n'avaient pas les mêmes comportements et la même retenue que les compagnons. Ils venaient, ils disaient « Ya Mohammed » et ils le questionnaient. Donc quand Sahaba entendait la venue d'un bédouin, ils étaient contents. Pourquoi? Ils savaient qu'ils allaient profiter des réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres parmi les savants ont dit que certains ne posez pas les meilleures questions et les plus intelligentes. Disons les questions les plus sages. Ihtiraman li maqam as-sahaba radiyallahu anhum. L'un d'entre eux venait et demandait où est mon père. L'un d'entre eux venait et demandait telle chose, telle chose. Alors on envoyait Jibril pour leur enseigner comment poser la question? Comment l'étudiant doit poser la question? Il doit commencer par les choses les plus importantes. Comment se comporter? Comment venir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment l'interpeller? Comment? Et ainsi de suite. Donc les savants citaient entre autres ces deux sagesses. Jazakumullahu khayran. Maintenant j'ai la certitude que vous êtes réveillés. Faqala ya Muhammad. Il a dit au Muhammad, akhbirni anil islam. Informe-moi de l'islam. Informe-moi au sujet de l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدقه. La première question. Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. أي ما حقيقة الإسلام؟ ما حقيقة الإسلام؟ Informe-moi de la réalité de l'islam. Car comme il nous faut savoir, l'islam n'est pas que par le prénom que tu portes ou se réclamer musulman. Non, l'islam, ça a une réalité, ça repose sur des piliers, des bases, des actions, des paroles. L'islam, c'est, il faut donc l'apprendre, il faut questionner au sujet de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec 5 choses. Témoigner, l'islam est le fait de témoigner, d'attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as les moyens. Le questionneur a répondu, tu as dit vrai. Les compagnons se sont étonnés. Ils posent la question puis acquiescent de la réponse. Puis il lui a dit, أخبرني عن الإيمان. Informe-moi de la foi. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Puis la question au sujet de la foi. Informe-moi au sujet de la foi. La foi, l'Iman, c'est le fait de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, et au destin qu'il soit bon ou mauvais. On remarque ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur l'islam, il a répondu par les choses apparentes. L'attestation de foi, c'est une chose qui se prononce, qu'on entend. La prière, des actions. La zakat, l'argent qu'on sort et qu'on redistribue. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de certaines choses. Le hajj, un déplacement, des dépenses et des efforts, tout cela est apparent. Par contre, lorsque nous avons parlé du iman, il a cité des choses intérieures. De cela, les savants ont tiré que l'islam ou l'iman, idha ijtama'a iftaraqa fil ma'na. Donc, l'islam et l'iman sont deux mots qui, lorsqu'ils sont cités seuls dans une phrase, englobe les deux. Et lorsqu'ils sont cités ensemble dans un contexte, Al-Islam fera référence aux actions apparentes et Al-Iman fera référence aux actions intérieures. Aux actions intérieures. Comme dans ce hadith, il y a la citation de l'Islam, ça fait référence aux choses apparentes. Puis il y a la citation de Al-Iman, ça fait référence aux choses intérieures. Par contre, si l'on cite Al-Islam, par exemple, inna ad-din 'inda Allah al-Islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Ça englobe toute la religion. Ce qui est apparent et ce qui est intérieur. Ce qui est apparent et ce qui est intérieur. Puis, Jibril alayhi salam a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur al-Ihsan. Faqal, بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت قال فأخبرني عن الإحسان. Informe-moi donc au sujet de l'excellence. Informe-moi donc au sujet de l'excellence. قال أن تعبد الله كأنك ترى. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et certes, si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Certes, si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Puis, il a conclu par deux questions. Il a conclu par deux choses. Après avoir questionné sur ce qu'on appelle Maratibuddin, les différents degrés de la religion, l'islam, puis l'iman, puis l'irsan, l'islam, la soumission, puis la foi, l'iman, puis l'excellence, l'irsan. قال فأخبرني عن الساعة. Informe-moi au sujet de l'heure, c'est-à-dire l'heure de la fin du monde. قال ما المسؤول عنها بأعلم أعلم من السائل. Il lui a répondu, celui que tu as questionné, c'est-à-dire moi-même, n'est pas plus savant que celui qui m'a posé la question, c'est-à-dire toi. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Celui à qui tu poses la question n'a pas plus de science sur ce sujet que celui qui me questionne. Alors il l'a questionné sur les signes précurseurs. قال فاخبرني عن أماراتها. Informe-moi donc quels en sont les signes précurseurs, les signes de la fin du monde. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة أو حفاة رعاء العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Puis il a dit, informe-moi au sujet des signes précurseurs, c'est-à-dire les signes de la fin du monde. Il lui a répondu, c'est lorsque tu verras les va-nu-pieds, les gens pieds nus, al-urata, les gens nus, dévêtus, al-ala, les pauvres, ria asha, les bergers, yatata waluna filbunyan. Tu verras ces gens-là se concurrencer dans l'élévation des édifices, dans les constructions des bâtisses, dans l'édification des constructions élevées. Thumman talaq. Puis il est parti, c'est-à-dire le questionneur. Falabithu maliyan. Je suis donc resté maliyan ay waqtan tawilan. Un long moment. Jaat fi riwaya thalatha ayyam. Dans une version, trois jours. Falabithu maliyan thumma qala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, atadri man is-sa'il? Oh Omar, sais-tu qui est-ce qui me posait ces questions? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. J'ai répondu, Allah et son messager sont plus savants. Qal fa innahu Jibril. Il a répondu, c'est Jibril. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui est venu afin de vous enseigner votre religion. Rawahu Muslim. هذا الحديث أصل عظيم. Ce hadith est une grande base dans l'islam. Comme vous devez le savoir, ce hadith al-Arba'in Nawawi comporte 42 hadiths ou 42 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Nawawi a voulu réunir dans ce livre des hadiths comportant une base à laquelle reviennent l'ensemble des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam min jawami'i kalim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, la base qu'on trouve, c'est ce sur quoi repose la religion d'Allah et les degrés de la religion d'Allah. Donc cette religion est de trois degrés. Il y a trois degrés dans cette religion, ce qu'on appelle Maratibuddin. L'islam, c'est le premier degré. L'iman est le second degré. L'ihsan est le troisième degré. Puis, on voit dans ce hadith que personne ne connaît l'heure de la fin du monde en dehors d'Allah Azza wa Jal. Sont unis dans ce hadith le meilleur des messagers parmi les hommes et le meilleur des messagers parmi les malaïka, les anges. Et tous deux ignoraient l'heure. Si le meilleur des anges parmi les envoyés et le meilleur des hommes parmi les envoyés ignore cette réponse, seul Allah Azza wa Jal la connaît. Dans ce hadith, ou de ce hadith, les savants ont longuement parlé pour nous montrer son importance, l'importance de le mémoriser, de l'étudier et d'agir en fonction de ce que comprend ce hadith. Il est tellement important que l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala l'a cité en premier dans son recueil authentique. Le premier hadith dans Sahih Muslim, c'est ce deuxième hadith qu'a mis l'imam al-Nawawi dans son recueil. Et parmi ceux qui ont expliqué le recueil, le livre de Sahih Muslim, il y a l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Et le premier hadith dans le recueil d'Imam Bukhari est le hadith, le premier hadith de ce livre al-Arba'a an-Nawawiyya, innama al-a'malu binniyat. Ce qu'a fait l'imam al-Nawawi, le fait de mettre dans son livre en premier le hadith de Omar ibn al-Khattab, innama al-a'malu binniyat, et en seconde position, le hadith de Omar ibn al-Khattab sur Maratib al-Din, c'est exactement ce qu'a fait l'imam al-Baghawi. Il a cité en premier hadith innama al-a'malu binniyat, en seconde position, le hadith Jibril. Comment ? Reprends-moi, corrige-moi. T'as dit l'imam al-Baghawi. Naam, l'imam al-Baghawi a fait cela. Je me suis trompé sur quelque chose ? Non, parce que j'ai voulu dire l'imam al-Baghawi. Peut-être, si je me suis trompé, n'hésite pas à me reprendre. Jazakallahu khayr. Barakallahu fik. Mais sache que l'imam al-Baghawi également a fait cela. Et l'imam Nawawi a fait la même chose donc que l'imam al-Baghawi. Si j'ai dit autre chose que cela, tu me corriges sans lever la main. Jazakallahu khayr. Donc, l'imam al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala, avant cela, avait fait la même chose que l'imam Madha al-Nawawi. Et sachez que ce hadith que nous cite Abdullah ibn Omar, qu'il rapporte de Omar ibn al-Khattab, à une histoire. Quelle est cette histoire? C'est que en Irak, ou bien comme nous le dit l'imam Muslim rahimahullah ta'ala bi isnadihi an Yahya ibn Ya'mar, donc Yahya, l'imam Muslim rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à Yahya ibn Ya'mar, il nous dit que les premiers à avoir amené l'innovation du qadar, c'est-à-dire dire qu'il n'y a pas de destin, sont des gens à Basra en Irak, il Basra. Et c'est un homme qui se nomme Ma'bad al-Juhani. Donc lui et son ami Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari sont partis pour faire le Hajj ou la Umrah. Et ils se sont dit, on espère vraiment qu'Allah va nous faciliter la rencontre avec un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le questionner sur cette fitna. Allah leur a facilité Abdullah ibn Omar. Et ils lui ont dit à Abu Abdurrahman, ils l'ont appelé par sa kunya. Il y a des gens auprès de nous qui recherchent la science, qui ont de la science, qui disent Inna al-amra unuf. Ils disent qu'Allah ne connaît pas les choses si ce n'est après qu'elles ne se réalisent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de destin. Alors Abdullah ibn Omar s'est mis en colère et il s'est désavoué. Il leur a dit, lorsque vous retournerez auprès des vôtres, informez ces gens-là qu'ils n'ont rien à voir avec moi et que je n'ai rien à voir avec. Je me désavoue totalement d'eux. Et dites-leur que s'ils dépensent en aumône l'équivalent de Uhud, Allah n'acceptera jamais cela d'eux, tant qu'ils n'ont pas foi, tant qu'ils n'auront pas foi au destin. Fa inni sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul baynama nahnu julusun 'inda rasuli sallallahu alayhi wa sallam id tala 'alayna rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'r la yura 'alayhi athar as-safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila an wasala ila ash-shahid أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. Voici l'histoire de ce hadith. Comment ce hadith nous est parvenu? C'est que deux personnes parmi les salafs sont partis en Umrah ou bien en Hajj. Ils sont partis d'Irak. Et en Irak, il y a eu la fitna du Qadar, la première innovation à l'époque des petits parmi les compagnons, c'est-à-dire en âge, ceux qui étaient jeunes, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Basra, des gens ont dit il n'y a pas de destin. Allah ne connaît pas les choses en avance. Mais lorsqu'elles se passent, il l'est. Yani lorsqu'elles se réalisent, Allah Azza wa Jalla en a connaissance. C'était une fitna. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus aux ulama. Ils sont revenus aux plus savants. Pas comme les gens font de nos jours. De jeunes étudiants qui ont commencé la salat il y a de cela quelques mois, quelques années, prennent place dans des assises et ils se disent mutuellement, qu'est-ce que tu penses de tel savant? Parmi les montagnes de la sunna, ils partent en da'wa avant, peut-être même que tes parents ne naissent. Et toi, tu prends place dans des assises pour parler sur eux. Là, يحترم العلماء علماء أهل السنة. Il vous faut respecter les savants et connaître la valeur des ulama d'Ahl al-Sunnah et retenir vos noms des savants, car comme le disaient les plus prédécesseurs, leur chair est masmouma, est empoisonnée. Ne parle pas sur les savants. Et celui qui parle sur les savants, Allah Azza wa Jalla va l'éprouver par la mort du cœur. Car la chair des savants, elle est empoisonnée. Et celui qui parle sur son frère musulman, il mange en réalité sa chair, comme cela nous a été cité dans les textes. Donc ces gens-là connaissaient la valeur des ulama. Et parmi le mérite des savants, c'est que ce sont eux qui dissipent les ambiguïtés lors de troubles par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont mis en pratique cette sunna. Le fait de revenir aux savants lors des troubles, lors des fitnes, et de ne pas se précipiter. Et en temps de troubles, tu reviens au ulama. Et si tu peux, tu reviens au plus savant. Comme ils ont dit, on espère qu'Allah va nous faciliter un parmi les compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, et on nous a facilité Abdullah ibn Omar. Il considérait comme un bienfait d'Allah Azza wa Jal, le fait de rencontrer un savant. Ils lui ont donc posé cette question. Il leur a répondu et s'est montré sévère. Car le fait d'être sévère envers les gens de l'innovation, c'est une sunnah. Le fait de se montrer sévère envers les gens de l'innovation, c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé des khawarij et a dit qu'il abou ahlina, les chiens de l'enfer. Il a dit les chiens de l'enfer en parlant des khawarij. Omar ibn Khattab a entendu un homme propager des ambiguïtés sur le Coran. Il l'a cherché dans la ville. Lorsqu'il l'a trouvé, Sabir, il l'a attrapé. Il a pris son bâton et il l'a frappé. Jusqu'à ce qu'il soit tombé. Il l'a relevé lorsqu'il a repris connaissance. Ou qu'il a eu tous ses esprits, il l'a frappé à nouveau. Et à nouveau. Au point que Sabir a dit, Ya Amir al-Mu'minin. Au responsable des croyants, oh toi le gouverneur, si tu veux me faire sortir ce qu'il y avait, wallahi je suis devenu amnésique. Et si tu veux me tuer, tue-moi d'une belle manière. Omar ibn Khattab ne s'est pas arrêté ainsi. Il l'a fait sortir de la ville et l'a envoyé en Égypte. Il a dit à Amr ibn al-As qui était le gouverneur, il lui a dit, personne ne lui adresse la parole. Il se mélange à personne. C'est comme ça qu'il se comportait envers les gens qui propageaient des ambiguïtés dans le mujtama. Si yan atan li amri din, pour préserver la religion des musulmans et la pureté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas comme le disent les gens de l'innovation au jour d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous parlez sur les musulmans? Pourquoi est-ce que vous parlez sur les imams? Pourquoi? Tu n'aimes pas qu'on parle sur les gens de l'innovation car tu en fais partie. Et tu sais qu'en parlant sur les caractéristiques des gens de l'innovation, en les citant, tu vas te reconnaître et les gens vont te reconnaître et s'éloigner de toi. Mais sache que ces gens-là sont meilleurs pour toi que tes propres parents. Car ils allègent ton fardeau le jour du jugement dernier. Car plus les gens te suivent dans le mal, plus ta balance de péché sera lourde. Donc ces gens-là sont envers toi miséricordieux si seulement tu savais. Puis Abdullah ibn Omar s'est désavoué d'eux et a annoncé la mécréance de celui qui renie la science d'Allah Azza wa Jal. En disant qu'Allah Azza wa Jal n'acceptera rien d'eux et s'est désavoué d'une manière totale. Ce hadith a une grande importance. Au point où l'imam al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, et Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullahu ta'ala, et d'autres ont dit هذا الحديث يصلح أن يقال عن أم السنة. Des savants de l'islam ont dit, ce hadith a une place telle qu'il mérite d'être surnommé. Tout comme la Fatiha a été surnommée Umm al-Kitab, ce hadith mérite d'être surnommé Umm al-Sunnah. La mère de la sunna, c'est-à-dire ce à quoi l'ensemble des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam reviennent, parce qu'elle c'est la base, et on a appelé ainsi el Qur'an sunna. Ce hadith est tellement important que le qadi Iyad rahimahullah ta'ala dit de ce hadith, comme l'imam al-Nawawi a cité dans son explication, wa hadha al-hadith qad ishtamala ala sharhi jami'i ad-din. Ce hadith comprend l'explication de toute la religion. Inna ulum ash-shari'a kullaha raji'atun ilayh. La science de l'ensemble de la législation revient à ce hadith. Il a également dit wa huwa aslul islam. Ce hadith, c'est la base de l'islam. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit pour vanter les mérites de ce hadith wa hadithun 'azim yajtami'u 'ala sharh ad-din kullih. Voici un hadith grandiose. Il renferme l'explication de la religion tout entière. Car à la fin du hadith, on nous dit Atakum yu'allimukum dinakum. Voici Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Et le savant Cheikh Atiya Muhammad Salim rahimahullah ta'ala nous dit Mahma uniya bih, ou mahma uniya bih, al-insanu wa mahma. تناوله العلماء ما أعتقد أن أحدا يوفيه حقه إلا إذا تكلم على الدين كله إلا إذا تكلم على الدين كله. الشيخ محمد عطية أو عطية محمد سالم كي سكي يا شيخ عطية محمد سالم سيلي لفدكي سيصال بخبلم. Si je demande qui sont les joueurs de l'équipe de France, hein, peut-être que beaucoup pourront répondre. Sahih ou lala? Hein, facile. Peut-être avec les numéros et les numéros de trans- et les prix pour les transferts et ainsi de suite. Et lorsqu'on questionne sur les savants de l'islam, on entend ce que vous avez entendu. Wallah hadi musiba, c'est une musiba, c'est un malheur pour nous. De ne pas connaître les savants de l'islam. C'est le plus grand élève du grand exégète du Coran, Ashir Muhammad al-Amin al-Shinqiti. Celui qui a écrit Adwal Bayan, El Muzakira fi Usul al-Fiqh et ainsi de suite. Mais c'est celui qui a fini son livre, Adwal Bayan. Il nous dit une belle parole. Quels que soient les efforts que pourraient fournir les savants, quant à l'explication de ce hadith, j'ai pour conviction que personne ne pourra parfaitement s'acquitter de ce devoir. Personne n'est capable de parfaitement expliquer ce hadith, sauf si le savant venait à parler de l'islam entièrement. Tu veux expliquer ce hadith parfaitement, tu es obligé de parler de tout l'islam. Car ce hadith renferme tout l'islam. Et dans ce hadith, il y a la réfutation contre les gens du qadar, contre les gens qui ont renié le destin. Il y a également le comportement adopté lors de troubles, le fait de retenir sa langue et revenir aux gens de science. Pas comme certains essayent de véhiculer et ils disent non, moi je prends que des salafs, moi je prends que des anciens. Naam. Avec, de quelle manière? Avec par télépathie, de quelle manière? Comment est-ce que tu vas comprendre la parole des anciens? Comment est-ce que tu vas savoir l'authenticité de la parole des anciens? Si ce n'est en revenant aux contemporains parmi les savants. Et est-ce que sahaba ont dit non, on va pas prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va prendre directement de Nuh. Naam, et de Houd et de Salih et d'Ibrahim alayhim salamullah. Non. Mais tu prends du savant qui a pris du savant, qui a pris du savant, qui a pris du savant, qui a pris du sahabi, qui a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la sunnah dans l'étude de la science. Et tabi'oum sont bien plus savants que nous. Pourtant ils sont revenus aux sahaba. Pourtant, ils sont revenus aux Sahaba, radiallahu anhu ajma'in. Et Omar ibn al-Khattab, de son vivant, il est revenu aux Sahaba. De son vivant, et c'est Amir al-Mu'minin, et c'est un savant, et il revenait aux savants. Lorsqu'il y avait un problème, il réunissait les nobles et les grands compagnons, et il les questionnait. Il réunissait les gens de la bataille de Badr, et il les interrogeait. S'il ne trouvait pas la réponse, il réunissait les gens de Quraysh, il réunissait l'Ansar, il réunissait les gens jusqu'à trouver la réponse. Et c'est pour cela que les savants disent, vous répondez à des questions. Si ces questions avaient été posées au temps d'Omar ibn al-Khattab, il aurait réuni les gens de la bataille de Badr. C'est-à-dire les meilleurs parmi les sahaba. Les meilleurs parmi les sahaba. Ça, c'est un comportement, c'est une sunna. C'est une sunna le fait de revenir aux ulama. Les gens disent, que se passe-t-il? Qu'a dit un tel? Qu'a dit un tel? Qu'a dit un tel? Ce qui importe, ce qu'ont dit les ulama. Ce qu'ont dit les savants. Ce qu'ont dit les savants. Par contre, le fait de savoir ce qu'a dit un tel ou un tel dans la question, Ceci n'est pas le plus important. Ce qu'ont dit les médias, ceci n'est pas le plus important. Ce qu'ont dit les ulama. Qu'a dit l'allama Salih al-Fawzan, habilahullah ta'ala, sur cette question. Qu'a dit l'allama Salih al-Luhaydan. Qu'a dit l'allama Cheikh Abdel Mahsin al-Abbad. Qu'a dit l'allama Cheikh Rabi ibn Hadi. Qu'a dit l'allama Fulan wa Fulan wa Fulan. Voici ce qui est le plus important. De savoir, lorsqu'il se passe un problème dans la communauté, qu'ont dit les ulama de l'islam. Et c'est ainsi qu'on doit être éduqué. Lorsqu'il y a une fitna, nous retenons nos langues et on questionne les gens de science. Les gens de la masse, s'ils peuvent revenir directement à l'ulama, ils les interrogent. Donc, à contraire, ils reviennent aux imams, ils reviennent aux prêcheurs. Et ces derniers se réunissent, formulent la question et demandent aux savants. Puis ils transmettent. Et les prédicateurs ne sont pas les gens à qui on revient à la base, mais ils font le lien entre les gens de la masse et les ulama. Ils font le lien entre les gens de la masse et leurs savants. Parmi ce que nous pouvons tirer de ce hadith, le fait qu'il y a cinq piliers, il y a cinq piliers de l'islam. Parmi ce que nous tirons de ce hadith, le fait qu'il y ait six piliers pour l'islam, pour l'iman, la foi. Et que le pilier le plus important est relatif à la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Remarquez que le premier pilier de l'islam, c'est al-shahada. Et le premier pilier du iman, c'est l'iman au billah. Tous deux font référence à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses droits. Donc expliquons, comme Allah azza wa jalla le facilitera, les piliers de l'islam. Le premier pilier, al-shahadatan. Pourquoi est-ce que ces deux témoignages ont été unis dans un seul témoignage? Qu'est-ce qui répond à cette question? La sincérité et le suivi. Pour la sincérité et le suivi, c'est-à-dire? La sincérité des œuvres envers Allah et le suivi de Rasulullah. Et donc? Donc, chaque œuvre, sans sincérité, sans suivi, elle n'est pas acceptée. Jazakallahu khair. C'est exactement ce que nous dit Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala, qu'on a fait de ces deux témoignages un seul témoignage, car dans celui-ci est réuni les causes d'acceptation des actes chez Allah Azza wa Jal. Avec Ashhadu an la ilaha illallah, il y a l'ikhlas, la sincérité. Avec Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il y a le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque action ne sera pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala sans ces deux conditions. Ashhadu an la ilaha illallah, shahada, c'est une conviction que tu as dans le cœur, que tu prononces sur ta langue, reposant sur une science, puis tu en informes autrui. Voici le sens de shahada. Naam. Et si tu témoignes d'une chose que tu n'as pas vue, pas entendue, tu ne connais pas, c'est ce qu'on appelle shahada tuzur. C'est un faux témoignage. Et ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des pires péchés. Quand tu dis ashhadu an la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée, excepté Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Il y a donc un afi'am. Il y a une réfutation générale, une négation générale, totale, de quoi? Du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Puis il y a une affirmation particulière. Tu affirmes, après avoir renié le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Voici le sens de la ilaha illallah. Et ceci n'est pas un ijtihad, c'est pris du Coran et de la Sunna. Allah nous dit dans le Coran, « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ الْآيَاتُ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَالْآيَاتُ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Tout cela nous enseigne que le sens de la ilaha illallah est nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ce qui est adorant d'or. Ça c'est le sens de la ilaha illallah. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père ainsi qu'à son peuple, je me désavoue totalement de tout ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé et c'est lui qui me guidera. C'est le sens de la ilaha illallah. C'est le sens de la ilaha illallah. Celui qui vient avec cette parole « La ilaha illallah » doit agir selon ce qui en découle. C'est-à-dire qu'il n'adore qu'Allah, il se désavoue de l'adoration de tout qu'Allah. Il adore qu'Allah Azza wa Jalla. Il n'adore ni les prophètes, ni les anges, ni les pierres, ni les tombeaux, ni les pieux, ni les autres. Il adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le fait de témoigner que Muhammad est le messager d'Allah, tu dois reconnaître sans aucun doute que c'est l'envoyé d'Allah à l'ensemble des gens. Allah Azza wa Jalla lui a révélé un livre qui est le Coran. Celui qui le suit entrera au paradis, celui qui le désobéit entrera en enfer. Iyadan billah. C'est le dernier prophète et messager. Il nous est venu avec le Coran pour nous appeler à ce dans quoi il y a la félicité et le bonheur. Celui qui suit son chemin, qui croit en son message, il rentre au Jannah. Dans le cas contraire, il s'éternisera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Le deuxième pilier de l'islam, iqamatus salah, c'est le fait d'accomplir la prière. On n'a pas dit le fait de prier. Car ce qui est demandé n'est pas le fait de le simple fait de faire la prière, qu'il y ait l'image de la prière, non, mais iqamatus salah, c'est le fait de faire la prière, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous l'a montré. Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, comme cela a été cité dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, si je ne me trompe pas, il est dans le recueil de l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala. Donc tu dois faire iqamatus salah. Comment? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Avec les conditions, avec le tahara. Tu dois prier fil masjid. Si tu es un homme, tu dois prier avec concentration. Tu dois prier à l'heure. Et tout ce qui entre dans iqamatus salah. Celui qui préserve cette prière, il a la sécurité. Et il a la promesse d'Allah azza wa jalla de le faire entrer au paradis. Et d'être préservé du feu de l'enfer. Celui qui fait cette prière, Allah azza wa jalla l'éloignera des turpitudes, du mal. Celui qui fait cette prière, c'est comme s'il se lavait chaque jour de l'ensemble de ses péchés. Celui qui fait cette prière, d'une prière à l'autre, Allah Azza wa Jalla lui efface ses péchés. Celui qui fait cette prière dans l'endroit où on l'appelle, c'est-à-dire au masjid, na'am, c'est celui qui aura été véritablement un homme. C'est un homme comme, yani sous l'appellation de l'islam. Rijal. Ce sont des rijal, ceux qui prient, fil masjid et qui accordent de l'importance au masjid. Voici ceux qui ne se laissent pas distraire par cette dunya. Allah Azza wa Jalla en soi, à tout nous, les a appelés rijal. La tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqami salati wa ita'i zaka yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulubu wal-abisar. Des hommes qui ne sont ni distraits par le commerce, ni le négoce de l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat. Ils ont peur d'un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. Voici comment Allah Azza wa Jal nous décrit les hommes en islam. Le pilier suivant, quant à celui qui délaisse la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le menace très sévèrement. Il nous dit que la limite entre nous et eux, c'est-à-dire les non-musulmans, c'est salat. Man talaka faqad kafar. Celui qui la délaisse, il a mécru. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba ne délaissaient pas salat au masjid même lorsqu'ils étaient malades. Au point où ils nous disent que lorsque l'un d'entre nous était malade, il était porté entre deux hommes jusqu'à le mettre dans les rangs. Jusqu'à le mettre dans les rangs. C'est de l'importance qu'ils accordaient à la salat. Et dans la sira, on voit l'importance qu'a accordée à la prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maladie de mort. Le pilier suivant, s'acquitter de la zakat. C'est le droit de l'argent. Une richesse pas assez lourde pour nuire aux riches, qu'on prend pour la redistribuer aux pauvres, mais assez conséquente pour faire du bien aux pauvres. Puis, le jeûne du mois de Ramadan, une fois dans l'année, tu délaisses certaines choses parmi les choses permises, afin d'éduquer ton nefs au délaissement des choses interdites, afin d'atteindre la piété. Puis, le pèlerinage. Une fois dans ta vie, ceci est obligatoire. Tu délaisses ton pays, ou ta ville, ta famille, tes biens, tes habitudes, ton confort, pour aller à la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal et l'adorer durant des jours déterminés dans les endroits déterminés. Donc voici les cinq piliers de l'islam. Quant aux piliers de la foi, ils sont au nombre de six. Le premier pilier de la foi, c'est l'iman ou billah, c'est la base. Et celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal n'aura pas foi en ce qui suit. L'iman ou billah comprend quatre choses. Premièrement, croire en son existence. Deuxièmement, croire en son unicité dans sa seigneurie. C'est-à-dire qu'il est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Et tout ce qu'il fait, il le fait seul, subhanahu wa ta'ala. Et s'il en est ainsi, et il en est ainsi, tu dois l'unifier dans l'adoration. Et de croire en Allah Azza wa Jal comme étant unique dans sa seigneurie n'est pas suffisant pour être musulman. Car Kuffar Quraysh reconnaissait cela. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah. Et si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Malgré cela, c'est Kuffar Quraysh. Il n'était pas musulman. Donc il faut absolument venir avec ce qu'il découle de cela, c'est-à-dire reconnaître l'unicité d'Allah dans le culte et adorer Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère. Et cela est le troisième point de la foi en Allah. Tu dois reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla est le seul à mériter nos actes d'adoration. Et le quatrième point, reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans ses noms et ses attributs. C'est-à-dire affirmer ce qu'Allah Azza wa Jalla s'est affirmé dans le Coran et la Sunna, et lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Sunna, et affirmer ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé dans le Coran, ou a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Tout ce qui est venu dans le Coran comme nom et attribut, tu l'affirmes. Car Allah Azza wa Jalla est plus savant, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque tu affirmes, tu ne fais aucun anthropomorphisme entre les attributs d'Allah Azza wa Jal et ceux de ses créatures. Tu dis Allah Azza wa Jal voit, Allah Azza wa Jal entend, mais pas comme ses créatures, tout simplement. Naam. Comme Allah nous le dit en Coran, selon la traduction, il n'y a rien qui lui soit semblable. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Donc tu affirmes tout ce qu'Allah a affirmé, mais sans faire ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures. Et tu rejettes tout ce qu'Allah Azza wa Jal a rejeté comme imperfection et comme défaut. Ainsi, la personne concrétise le tawhid, la croyance en l'unité d'Allah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le point suivant est la croyance aux anges. Tu dois savoir qu'il y a des créatures qui se nomment al-mala'ika, des anges, qu'Allah Azza wa Jal a créé de lumière, comme c'est vu dans le recueil d'Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, et qu'ils ont des ailes, comme c'est venu au début de Surah Fatir. Tu dois croire en leur existence. Deuxièmement, les noms dont nous avons eu connaissance, tu dois y croire. Comme qui? Comme Jibril. Comme qui? Mikaïl. Comme qui? Mikaïl. Comme qui? Sraphil. Comme qui? Malik. Et Malek. Naam. Malek. Al-Maut. Comme qui? Comment? Harut et Marut. Munkar et Nakir. Ridwan. Certains noms de ce que vous dites, il y a une divergence sur certains ahadith, comme vous avez cité, et encore d'autres. Le troisième point, c'est le fait d'avoir foi en leur description, celle qui nous a été citée. Quant au reste, que soient les noms, la description, on y croit de manière générale. Et le dernier point, les actions desquelles nous avons été informés. Comme description, on sait que certains ont 2 ailes, certains ont 3 ailes, certains ont 4 ailes. Et Jibril en avait combien? 600. Et il couvrait l'horizon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril combien de fois sous sa vraie apparence? 2 fois. La première fois, comment? Dans la grotte. Jibril alayhi salam dans la grotte. Il avait 600 ailes et il couvrait l'horizon dans la grotte. Subhanallah. Lors du voyage nocturne. Ici, la deuxième fois et la première fois, عند سيرة المنتهى. Naam, ça c'est lors du voyage nocturne dans Surat al-Najm. Et la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi, comme vous le savez, de nombreuses nuisances de la part de son peuple. Il a reçu beaucoup de mal de leur part. Alors Jibril alayhi salam lui est venu pour le réconforter. Naam, il est venu pour le réconforter, et cette fois, a vu Jibril sous sa vraie apparence, il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. La deuxième fois, c'est lors du Mi'raj, de l'ascension. Et ici, on voit dans le hadith que les anges peuvent venir sous l'apparence humaine. Allah Azza wa Jalla leur permet de prendre cette apparence afin de ne pas effrayer les compagnons et les gens de manière générale. Le pilier suivant, parmi les actions plutôt des anges, Jibril alayhi salam, il apporte, il transmet la révélation. Mikaïl s'occupe de tout ce qui est relatif à la pluie et à la culture. Il y a l'ange qui s'ouvre dans la trompe, il y a les anges qui portent le arche, il y a les anges qui vont tirer l'enfer et la porter Yom al-Qiyam. Pour chaque chaîne, il y a 70 000 chaînes et pour chaque chaîne, 70 000 anges. Naam, il y a le gardien de l'enfer, il y a ceux qui vont châtier les gens en enfer. Il y a beaucoup, d'actions. Il y a beaucoup d'actions et de descriptions. Le pilier suivant, c'est la foi au livre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a révélé des livres sur ses messagers. Pour guider, nous devons croire que cela vient d'Allah Azza wa Jalla. Et nous devons croire aux informations qui n'ont pas été falsifiées. Et nous devons croire à une croyance particulière au Coran et le mettre en pratique. Naam, et le mettre en pratique. La foi aux messagers. Alayhim as-salatu was-salam. Nous devons croire que ce sont des créatures, ils ne méritent pas l'adoration, qu'ils ont été envoyés et choisis par Allah Azza wa Jalla. On y croit, on les respecte, nous les aimons. Naam. Et nous avons foi également aux noms desquels nous avons eu connaissance. Et ceux dont nous n'avons pas eu connaissance, on y croit d'une manière générale. Et nous avons une foi particulière au dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le suivons. Naam. Et nous mettons en pratique sa législation. Le pilier suivant, la foi au jour dernier. C'est-à-dire celui qui sera succédé par la fin du monde, la résurrection. Naam, la résurrection. Et cela englobe tout ce qui se passe après la mort. Comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et plus particulièrement trois points. Le premier point, l'iman ou bil-ba'ath. La foi en la résurrection des corps et des âmes. Et ceci, dans ceci, les gens n'ont pas divergé. Même des différentes voies, comme les chrétiens, les juifs, tout le monde reconnaît cela. Mada min ahli al-milal. Puis, tu dois avoir foi en ce qu'on appelle al-hisab, les comptes, le jugement. Puis, tu dois avoir foi au fait que les gens se diviseront en deux, ceux qui vont entrer au paradis et ceux qui vont entrer en enfer. Ja'alallahu wa iyyakum min ahli al-jannah wa 'alallahu wa iyyakum min an-nar. Le dernier pilier de la foi, wa an tu'mina bil qadari wa tu'mina bil qadari khayri wa sharri. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Contrairement aux autres piliers précités. Indak Abdullah. Quelles sont les limites de ces actions? De la foi, j'ai une idée. Non. Ils sont divisés en deux catégories. Le frère a dit non. Le frère a dit non. Il répète. Jazakallahu khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré le verbe. Il a répété le verbe wa an tu'mina. Quelle est la sagesse d'avoir fait cela? At-tawkid. Pour souligner l'importance. Si on me croit en un seul pilier, c'est de me croire ensemble. Qu'est-ce qu'il y a notre réponse? C'est la cause de. C'est par rapport au hadith. L'électricité, c'est par rapport au qada. C'était par rapport au qada. Mais ça, c'est le hadith du Prophète sallam. Et par rapport au qada qui répond à ça, c'est Abdullah ibn Omar. Malgré leur tardive, je les ai encore tous les esprits. Pour montrer l'importance. Ok, une réponse plus claire. Pour attirer l'attention. Mais encore comment dans les deux cas? C'est pas forcément quand c'est le bien, mais c'est pour le bien. Mais... J'essaye de t'aider, mais. Parti dans l'autre sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention sur une fitna qui va avoir lieu et c'est la première fitna tout le qadar. Naam. Parce que la première fitna et la bid'a qui s'est propagée, c'est fitna tout le qadar. C'est comme s'il nous avait dit, attention, il faut avoir particulièrement foi au destin. Il va y avoir des gens qui vont innover dans la religion d'Allah Azza wa Jal, dans le domaine de du qadar. Jazakallahu khayr. Puis, al-ihsan, l'excellence. Al-ihsan wa itqanu shay. Al-ihsan, dans la langue arabe, c'est le fait de parfaire une action, une chose. D'accord ? Al-Ihsan, dans ton ta'amul à toi, il se divise en deux. Ma'Allah et ma'ibadillah. Il y a l'Ihsan dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il y a l'Ihsan envers les gens. Envers les gens. Allah n'a pas besoin de toi ni de tes actions. Mais l'Ihsan dans l'ibad. Et c'est ce qui nous est cité ici dans le hadith. An ta'bud Allah kannaka tara. Le premier niveau, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Avec la perfection de la certitude et de l'amour. Tu l'adores comme si tu le voyais. Comment est-ce que tu vas l'adorer? Tu ne vas pas oser te tourner. Tu ne vas pas oser jouer. Tu ne vas pas oser mal faire l'action. Si tu n'arrives pas à atteindre ce degré de certitude, si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau-là, alors ressens qu'Allah te voit et te surveille. Ce qu'on appelle al-muraqaba. Ressens qu'Allah Azza wa Jal te voit et te surveille. Donc tu atteindras la perfection de la crainte qui te pousse à délaisser le péché, à ne pas commettre le péché. Même si l'homme ne saurait être infaillible, mais s'il tombe dans le péché, il se repent. S'il retombe dans le péché, il se repent et ne reste pas, ni ne se complaît dans le péché. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur l'heure. Il a répondu « Mal mas'ouma anha bi'alama minas sa'il ». Celui qui a été questionné sur l'heure de la fin du monde n'est pas plus savant que cela. De cela, on tire une grande faïda. Personne ne connaît le futur. Personne ne connaît l'heure de la fin du monde si ce n'est Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, « Qul la ya'alamu man fis samawati wal ard, al ghaiba illallah. » Dit, personne ne connaît, que ce soit dans les cieux ou la terre, les choses de l'invisible en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a spécifié « As-sa'a » l'heure dans le Coran, dans plusieurs versets du Coran. Donc celui qui prétend après ça, connaître l'heure de la fin du monde, ou connaître l'oreille sans texte, هذا من نواقض الإسلام. Ceci fait partie des annulations de l'islam. لأنه مكذبون. Car il dément le Coran. Il dément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A cet effet, les voyants, les devins, ceux qui prétendent connaître l'invisible et qui travaillent avec les shayatin, al-sahara, هم كفار. هم كفار مرتدون. Ces gens-là n'ont pas de part d'islam. Ils sont sortis de l'islam en faisant ce troc, ce commerce qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran. وَلَقَدْ عَلِمَ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Qu'est-ce qu'il a acheté? C'est quoi ce troc? Il a vendu son islam contre les services du shaitan. Hein? وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنِ اشْتَرَاهُ. Ils ont très certainement su que ceux qui vont acheter cela, Naam, faire cet échange entre les services des shayatin, khidma des shayatin et leur islam. Wal'iyadu billah. Donc il ne faut pas aller voir ces gens-là, il ne faut pas certifier ces gens-là. Ils mentent et ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît. Celui qui prétend connaître l'heure ou le futur ou l'invisible sans texte. Naam, ce qu'on appelle al-ghayb al-mutlaq. Al-ghayb al-mutlaq. Pas ce sur quoi il y a un texte. Mais cette personne-là, elle sort de l'islam, wal'iyadu billah. Puis, le prophète, une grande faïda également qu'on tire de cela, lorsque je dis qu'on tire, c'est-à-dire que les savants ont cité, c'est que lorsque tu ne sais pas une chose, dis je ne sais pas. Ou dis Allahu a'lam. Comme à la fin du hadith, Omar ibn Khattab a dit Allahu rasulu a'lam. Le plus savant des anges, le plus savant des hommes, tous deux ne savaient pas. Est-ce que ça a diminué en quoi que ce soit leur valeur, leur place? Non. Donc, le fait de dire je ne sais pas ne diminue en rien ta valeur. Ne diminue en rien ta valeur. Lorsque tu ne sais pas, dis Allahu alam. Et si la personne insiste, dis Allahu alam, je ne sais pas. Non, ne te laisse pas forcer par un questionnaire à répondre, dire sur Allah ce que tu ne sais pas. C'est le pire péché. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. Le pire des péchés, dire sur Allah, dire sur la religion d'Allah ce que tu ignores. Lorsque tu ne sais pas, choisis la sécurité. Dis Allahu alam. Dis je vais réviser. Dis je vais questionner. Dis je vais demander aux savants. Naam, il ne convient pas à l'ignorant de répondre. Mais on questionne ceux qui savent. Face à l'ouahla dhikr in kuntum la ta'lamun. L'imam al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, Amir, a reçu Amir Tayyib, a reçu la visite d'une délégation qui sont venus le questionner et lui ont posé des questions. Et lui était avec ses élèves, cinq grands savants de l'islam. Ils l'ont questionné, il répondait Allahu a'lam, Allahu a'lam, la adri, ma adri. Puis ses élèves ont eu cette réaction, ils se sont comportés ainsi. Comme il a ressenti cela d'eux, comme s'ils étaient gênés du fait que leur imam, leur savant, celui duquel ils faisaient les éloges, et ils disaient notre chéri, il est comme ça, il n'a pas répondu, subhanallah. Peut-être l'un d'entre eux avait la réponse. Hein? Comme l'un d'entre eux, on est assis avec un chéri, on lui pose une question, il dit je ne sais pas, et nous on a la réponse, on dit c'est bizarre, chéri ne connaît pas, même moi je connais ça. Non, ce n'est pas un comportement à avoir. À la fin, lorsque les gens sont partis, il a dit à ses élèves, pourquoi est-ce que je vous ai senti gêné? Et ils ont dit, parce que tu n'as pas répondu. Il les a éduqués avec une réponse des plus magnifiques. Il leur a dit, وَهَلْ إِسْتَحْيَتِ الْمَلَائِكَ. Et est-ce que les anges ont eu honte lorsqu'ils ont répondu, لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Nous n'avons aucune science, sauf ce que tu nous as enseigné. Dans l'histoire de Ad, la création de Adam, puis on leur a enseigné le nom de toutes choses. Allah Azza wa Jalla a questionné les anges sur le nom des choses et ils ont dit, لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Na'am. C'est toi le savant et c'est toi le sage. Est-ce que les anges ont eu honte de dire cela? Il les a éduqués. L'imam Malik a reçu une délégation et lui ont posé une quarantaine de questions. Il a répondu à quatre questions. Ils lui ont dit, mais t'es l'imam Malik, on vient de tel endroit, on a voyagé pour poser des questions. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens derrière nous? Il leur a dit, montez sur le mont le plus haut et dites l'imam Malik, là il y a il ne sait pas. Hein? Transmettez aux gens derrière vous que l'imam Malik ne sait pas. On a posé une question à Abou Bakr sur un tafsir dans le Coran, sur le tafsir d'un verset du Coran. Il a dit, quel ciel va me couvrir et quelle terre va me porter si je dis sur Allah ce que j'ignore? Voici le comportement qu'avaient les ulama. Lorsque tu ne sais pas, tu dis Allahu A'lam. Naam, tu dis Allahu A'lam et ça ne diminue en rien ton rang. Et si tes élèves, et si tes proches, et si les gens pensent que ça a diminué de ta valeur, c'est parce que eux baissent. Ont baissé dans le niveau. Pas parce que toi tu as baissé dans le niveau. Et les savants jadis enseignaient aux élèves le fait de dire Allah alam. C'est un enseignement, ça rentrait dans l'enseignement de la science. Allahu alam, ma adri, sa as'al, et ainsi de suite. C'est une éducation. Puis, Allah, il lui a demandé sur les signes de la fin du monde. Les signes de la fin du monde sont de trois types. Al-alamatul kubra, les grands signes, c'est les signes qui seront très proches de la fin du monde. Et lorsque le premier sortira, ils vont s'enchaîner. Il y a les petits signes, na'am, et il y a les signes du yani du milieu. Il y a des signes qui sont passés et sont révolus. Il y a des signes qui sont d'actualité et qui continuent. Et il y a des signes qui ne sont pas encore d'actualité. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité « Lorsque tu verras des gens pieds nus, nus, bergers, c'est-à-dire ceux qui ont des troupeaux, en général ils sont pieds nus, na'am. Quand on dit nus dans le hadith, ça ne veut dire pas qu'ils ne marchent sans vêtements, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas, ils n'apprêtent pas importance à cela, ils ne s'embellissent pas, ou bien ils sont modestes, ou bien ils ont peu de moyens, alors ils couvrent une partie, na'am. Non pas qu'ils marchent, ils marcheront nus. Tu les verras se concurrencer dans l'édification de constructions élevées. Et cela se passe. On a un des gens qui habitent au village, ils viennent en ville, et ils deviennent parmi, yani ils font partie des riches, ainsi de suite. Un point important qu'il faut éclaircir, lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Que signifie cela? Yani, il y a beaucoup de paroles. Ibn Hajar, on a cité 6, ou 7, ou 6, na'am, Allah, j'ai oublié. Il en a retenu particulièrement 2. Mais les savants citent souvent 2. La première explication, c'est de dire qu'il y aura beaucoup de futuhat, d'ouverture, de pays, et ainsi de suite. Donc il y aura des esclaves. Les propriétaires vont avoir des rapports avec celles-ci, avec ces dernières, et ces dernières donneront naissance à des gens. Et l'enfant, il suit cet homme-là. Donc il était libre, donc l'enfant va suivre le père, il sera libre. Il sera donc propriétaire ou maître de sa propre mère. Est-ce que c'est clair ou je répète? Un homme va avoir une captive, il a des rapports avec cette femme-là, elle va enfanter. L'enfant suit qui? La mère ou le père? Libre. Il suit le père. D'accord ? Il suit le père, donc l'enfant sera libre. Et sous lui, il y aura cette mère qui est captive. Non ? Voici le premier sens. Le deuxième sens, écoutez bien. Écoutez bien. Isharatun ila kathratil uquq min al awlad. En réalité, ici, certains savants ont dit, ça a été retenu par bon nombre de savants, c'est qu'ici, on attire notre attention sur une grande fitna qu'il y aura. C'est quoi ? C'est la désobéissance des enfants envers leurs parents. Allahu Akbar. C'est des signes de la fin du monde. C'est-à-dire que ce n'était pas une chose connue, subhanallah. Au point où le prophète, sallam, lorsqu'il a dit « La'ana Allahu man la'ana walidayhi » qu'Allah maudisse celui qui a maudit ses parents. Les sahabes ont dit « Ya Rasulallah, wa man ya'ana walidayhi » Au message d'Allah, qui pourrait maudire ses parents ? Il a dit « L'homme insulte les parents de l'autre ou maudit les parents de l'autre, alors il se met à insulter ou maudire les siens. » Celui qui insulte les parents des gens, puis on maudit ou insulte les siens, il rentre dans ce hadith-là. Il a maudit ses parents. Tous ceux qui insultent les parents des gens, puis se font insulter. Ceux qui se comportent mal, alors on insulte leurs parents. Na'am, il doit craindre Allah Azza wa Jal. Il désobéit. Il se comporte d'une manière telle que lorsque tu les regardes, tu ne croirais pas que lui c'est le père et lui c'est l'enfant. Non, c'est pire que ça. C'est que lui c'est le maître et lui c'est l'esclave. Les savants ont cité des exemples. Ils ont dit,